Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à tous amis du blues, bienvenue dans le Blues Café en live et en public. Notre invité de ce soir est né au flanc d'une montagne près d'ici. Cet artiste se définit lui-même comme un artisan. C'est aussi un vagabond parti pour un voyage initiatique qui l'a conduit un peu partout aux États-Unis, notamment à Tulsa, en Oklahoma. Heureusement pour nous, il est revenu et il est ici ce soir avec nous. On est bien content qu'il soit revenu, en tout cas. En effet, Cédric et Dom Ferrer, on a rapporté de belles mélopées avec un son, justement celui de Tulsa, si mythique grâce à Gigi Kell, entre autres. Une musique qui nous emportera ce soir dans un univers un peu, allez, atmosphérique. D'autant que pour cet homme-là, eh bien, la scène, c'est vital. À l'aube d'un album en sortie imminente, il est venu nous voir dans le Blues Café Live. Mesdames et messieurs, Dom Ferrer and his band. Snake in the sky, we're well dancing like a snake. When the frames don't you let another day go back and rain the rattle thing. Looking so hard till you can see the picture and number with a magic touch. And throwing gold bricks to the rich man window. Tragic when you don't hit him. Yeah, and we gold, and we blue, and life hard, and love true. Baby, it's a good thing. Baby, it's a good thing. Baby, it's a good, good thing. I got you. Cartoon wealth, oh Lord, they cure it on a string. In churches, sit you have a cell, and grace, a ratchet old thing. And the whole wide world is stepping on toe, oh world is stepping on toes. Chewing up diamonds, shading out coal. You tell me where the old time goes. And we gold, and we blue, and life hard, and love true. Baby, it's a good thing. Baby, it's a good thing. Baby, it's a good, good thing. I got you. We'll be right back. good thing. Baby, it's a good, good thing. I got you. Coffin, it doesn't make you a good man. No matter the train you've been in, doesn't make you understand. No matter the heart you chilled, you know you can kill with a smile. No matter the wall you built and the reason why. No matter if I can stay for the night, I could rest in the moonlight. No matter the time it would take to feel free and really awake. Nous sommes ravis ce soir d'accueillir Monsieur Dom Ferrer. Nous sommes en direct à l'île d'Abon. On va citer les noms des musiciens. Il y avait Damien Chopard aux guitares. Il y avait Nils Ecke à la batterie. Il y avait Guillaume France à la basse. Et il y avait Monsieur Dom Ferrer au chant et à la guitare, qui est également le sosie officiel de Monsieur Francis Zégut. Bonsoir Dom. Bon, avant de commencer, j'ai lu quelque part que tu adorais les cafés-concerts vrais, transpirants et même crasseux. C'est vrai. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ici, c'est crasseux, mais tu dois quand même être à ton aise ici, non ? C'est pas mal. Parce que c'est transpirant. Ça pourrait être encore plus crasseux et chaud, mais bon, je compte sur vous, du fait. Voilà. C'est vrai que j'aime bien traîner, surtout à Tulsa. Enfin, c'est un peu ma deuxième maison et j'adore aller traîner dans plein de clubs qui sont gratuits quasiment tous et où ça sent bien la bière et la transpiration. Et je trouve on ça va en parler de Tulsa. On va peut-être pas parler de la bière ni de la transpiration, mais de Tulsa, on va en parler. D'accord. Alors, on va en parler. On va commencer par faire ta connaissance. On parlera un petit peu plus tard de l'album à venir. Donc, tu es né dans nos contrées, mais tu as pas mal bourlingué, tu as pas mal changé de coin. Tu te sens un peu comme un compagnon artisan, désireux de parfaire son œuvre en allant découvrir des talents ailleurs. On l'a dit, tu as beaucoup vécu, notamment aux États-Unis. Ouais. Surtout dans les années, fin milieu des années 80 jusqu'en 90, j'ai vécu quelques années d'affilée. Ensuite, je suis rentré pour des histoires de réglementation mondiale, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de s'installer où on veut, quand on veut, sur notre planète, vous savez ça. Mais surtout parce que moi, je trouvais pas mon compte, en fait. Enfin voilà, j'avais besoin d'espace, donc je suis parti là-bas et j'ai trouvé plus d'espace. Alors les espaces, tu les as rencontrés parce que tu as fait 1000 petits jobs, mais tu as même été bûcheron. Alors, absolument. T'en as gardé le physique ? Absolument, ouais. J'ai été bûcheron, mais je sais pas si on a le temps de raconter des histoires, mais j'étais bûcheron parce que je me suis retrouvé dans une dèche noire à Jackson Hole, qui est dans le Montana, et j'étais tellement dans la dèche que j'ai pu juste acheter un journal, j'ai trouvé un boulot sur le journal, et donc j'ai été bûcheron. En tout cas, on peut dire que Dom Ferrer, ça envoie du bois. Hein, ouais, c'est ouais. Peut-être aussi pour ça. Ah ouais. Yeah! Avant de te retrouver à Tulsa, on va revenir un peu en France, puisqu'en 2010, tu avais eu un duo avec un nom étrange, Carol's Cousins, et deux disques sortis. Tu peux nous parler un petit peu de ce disque entre cousins? Qui étaient ses cousins? Cousins-cousines, puisque c'était une chanteuse. Alors Carol's Cousins, en fait, c'était un truc super personnel. Je sortais d'une formation rock. Et je me suis retrouvé à faire de la musique. Enfin, j'ai eu envie de faire de la musique tout seul. Et c'est vraiment personnel l'histoire. Donc, Carol's Cousins, en fait, j'ai été plus ou moins élevé par ma tante. Et en fait, ça a été un peu mon identité. C'est-à-dire, j'étais le cousin de Carol, qui Carol était mon cousin. Bon, c'est clair. Ben, j'étais le cousin de Carol. Oui, quoi. C'était vraiment. Et comment t'appelles? Ben, je suis le cousin de Carol. Voilà. Et donc, c'est resté. Et je me suis dit que faire un album là-dessus, c'était bien. Et ça raconte un peu. Tout l'album parle un peu de ça. En même temps, c'est le duo, c'était avec une femme, Mathilde Armansin, ouais. Une violoniste. Hein. Et ensuite, on est passé d'une violoniste à un violoncelliste. Absolument. Toujours en duo. Toujours en duo. En fait, j'avais vraiment cette envie de jouer acoustique. Oui, avec les cordes, hein, quand même. Ouais. Mais on a joué acoustique, violon ou violoncelle, guitare. Et c'était folk, un peu folk, blues. Oui, dans des mélodies qui flirtaient quand même... qu'est-ce que je pourrais dire, Nick Cave peut-être, Springsteen, ouais. Springsteen façon Ghost of Tom Jones, voilà, ouais. Formidable disque, ouais. Ouais, absolument, une musique faite finalement assez légère, non? Ouais, mais c'est quand même une période où j'allais vraiment pas bien, quoi. Bon. Donc, c'est... non mais c'est vrai, c'est une période où j'allais vraiment pas bien, j'étais... J'ai fini à l'hosto tellement j'allais mal. Ah. Bon, on va essayer de parler du second album. Ouais, alors, en espérant que j'aimerais bien. Ouais. En espérant que ça allait mieux sur le second album. Absolument, ça allait vachement mieux. Pourtant, il s'appelle No. Alors, c'était pas très positif comme nom, mais tu nous diras peut-être pourquoi. Il y a une façon de jouer un peu à la Björn Berg, je crois, avec qui t'as partagé la scène, et puis un petit clin d'œil à quelqu'un qu'on aimait beaucoup, Calvin Russell, avec ce Let the Music Play. C'est des références pour toi, ces deux artistes ? Ouais, Calvin Russell, ça a été, je crois, une de mes plus grosses baffes. J'ai vu aux Eroquen en 92 ou 93. Et c'était juste énorme, quoi. C'était, je me suis retrouvé devant. Bon, j'avais envie d'aller le voir, mais je me suis retrouvé dedans, chose qu'en général, je ne fais pas. Et j'ai pris une baffe monstrueuse. Et voilà, donc, j'ai pris la même claque que toi en ayant vu Calvin Russell aussi. Voilà, donc vraiment, ça m'a... Je dis, ah, c'est bien quand même, c'est bien ce truc-là. Bon, ensuite, tu es parti donc, aux États-Unis, ensuite ou pendant, en même temps, voyage, et tu es arrivé à Tulsa. Ouais. Alors, Tulsa, tu sais, nous, on a un public inculte, hein, ils ne savent pas où c'est. Tulsa, c'est en Oklahoma. C'est dans l'Oklahoma, oui. Il y a la route, la route 66 qui passe en plein milieu. Plein milieu, sur la 11e. C'est une ville qui a été fondée par une tribu indienne. Et c'est surtout les Indiens qui ont été parqués là-bas. Toutes les tribus indiennes ont été déportées là-bas dans les années 1850. Et ils ont mis toutes les tribus. C'était vraiment la plus grosse réserve des États-Unis. C'était un mouroir, en fait. Ouais. Et dans cette ville, il y a un... Alors, de par ces musiciens, j'imagine, il y a un son particulier. On appelle le Tulsa Sound, mais qu'est-ce que c'est alors finalement ce Tulsa Sound ? Alors c'est surtout une attitude en fait. Le Tulsa Sound, c'est surtout le fait que, bon déjà il fait très chaud, c'est pauvre, c'est pas très beau, c'est extrême, c'est le pays des tornades, enfin tout ça. Enfin c'est surtout pauvre, voilà. Les gens là-bas sont assez, j'ai envie de dire fatalistes, ils traînent un peu les pieds, ils sont cool, ce qu'ils vont pas faire aujourd'hui, ils le feront demain. Enfin, ils sont complètement à l'envers de ce qu'on peut imaginer, de ce que peut être la vie trépidante des Américains. Eux, ils sont justement l'inverse de ça. Ils sont super cool, il y a beaucoup de métissage, beaucoup d'Indiens partout. Et le son est venu de là, en fait. Et, alors, pour la petite histoire, J.J. Cale raconte, je sais pas si c'est tout à fait véridique, mais il dit qu'il a trouvé son son si particulier. Un jour, il faisait tellement chaud qu'il est allé jouer de l'autre côté de la maison, et puis il avait laissé les amplis là-bas, et c'est là qu'il a trouvé cette réverbe un peu stratosphérique. Et du fait, il s'en est servi, il l'a recréé ensuite, et ainsi de suite, voilà. Mais c'est ça. Et puis surtout une grosse communauté de musiciens qui s'entraident beaucoup parce que c'est tellement la galère qu'ils sont solidaires. Alors tu parles de J.J. Cale, on a une autre référence commune, c'est John Morland, qu'on aime beaucoup tous les deux. Tu as d'ailleurs commencé la soirée avec le titre Aren't We Gold. Tu peux nous parler de John Morland ? J'ai l'impression que c'est un peu le fer de lance de ce Tulsa Sound aujourd'hui là-bas. Alors, il est un peu plus folk que ce qu'est le Tulsa Sound. Ouais. Tulsa Sound, c'est un petit peu plus mélangé, ouais. C'est mélangé, c'est blues, mais surtout, c'est beaucoup de choses chaloupées. Enfin, c'est vraiment un drôle de mélange. Moi, je ne saurais pas trop le décrire. Je peux vous le faire écouter. Elle a écouté Paul Benjamin Band, par exemple. Mm-hmm. Ça, c'est un truc qu'il faut absolument écouter. Là, vous allez avoir le Tulsa Sound direct. C'est vraiment le truc actuel à Tulsa en ce moment. Alors John Morland, c'est surtout un songwriter, à mon avis, c'est vraiment un songwriter, un mec très particulier, qui incarne complètement ce que peut être un Oklahoman, un Okie, comme on dit, c'est-à-dire, c'est probablement, je pense, un métis, je pense qu'il doit avoir des racines indiennes, il est assez désespéré en fait, mais c'est tellement beau, et je sais pas si t'as ressenti ça aussi, mais il a une grosse influence de Springsteen derrière lui, dans sa façon de jouer, dans les harmonies, dans la façon de chanter, ouais, c'est très touchant, une montagne, il doit faire, pas loin de 2 mètres et 250 kilos, je pense, c'est monstrueux. Ce qui l'empêche, tu le disais tout à l'heure, on en parlait aux antennes, de se déplacer, de venir... Il l'a fait, mais ça le fatigue tellement qu'il ne veut plus le faire. Et tu le connais, c'est ça ? Tu l'as connu, tu l'as rencontré, tu connais ses musiciens ? Voilà, je connais très bien ses musiciens, c'est surtout ça. Lui, je ne le connais pas particulièrement, mais je connais bien son basse-batterie, je connais aussi son guitariste. Voilà. Avec qui tu as joué sur l'album Rewrite Free ? Sur Rewrite Free, que nous aurons ici à vous d'ailleurs. Okay. Voilà. Qui est disponible ici. Alors à Tulsa, il n'y a pas que J.J. Cale et pas que Morland, il y a aussi d'autres marques musicales, parfois plus anciennes, comme Bob Wills et son Western Swing, comme Leon Russell. Absolument, qui est décédé il n'y a pas si longtemps. Et puis même, il y a aussi un musée pas très loin dédié à Woody Guthrie. Woody Guthrie Center. Excuse-moi de te couper, est aussi aujourd'hui, tous les textes de Dylan. Dylan est venu vraiment poser tous ses textes au Woody Guthrie Center, et il a estimé que c'était là qu'il devait être et pas ailleurs. Ouais. Donc ça, c'est important. Et alors, une petite anecdote, je jouais avec Jesse Aycock, donc il y a 4 ou 5 ans, j'étais sur la scène du Woody Guthrie, c'est de l'autre côté du musée, et d'un coup, il y a Jesse qui me pousse du coude, comme ça, il me dit, t'as vu, il y a Dylan. Alors moi, je me retourne, je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Et je me retourne, et effectivement, qu'est-ce que je vois sur le trottoir de l'autre côté ? Dylan qui marche, super cool, et en l'espace de, je sais pas, 2 minutes, ça a été l'émeute. Donc ils ont fermé le musée, il était à l'intérieur et en fait il jouait au Brady Theater juste de l'autre côté de la rue le soir même, voilà. Donc je l'ai aperçu, c'était cool. Ça t'a marqué à vie. Ouais, c'était cool. Bon après après, tu le sais ou pendant, en fait, tu reviens, mais sous ton propre nom. Tu commences à jouer sous ton propre nom. Et puis, il y a cet album, ce premier album en 2014, We Ride Free. Tu nous expliqueras peut-être qu'il y a une signification pour le titre. Ça veut certainement dire quelque chose. Une douzaine de compositions. Mmh. Il a été enregistré en Arkansas, mais pas très loin, finalement, de Tulsa, à Little Rock. Hein. Voilà, c'est un peu... Ça a été, en fait, Jason Weinheimer, qui tient le studio de Fellowship All Sound à Little Rock, et de Tulsa. Mmh. Mais il a fait son studio là-bas. Et en fait, avec beaucoup de musiciens à Tulsa vont enregistrer chez lui parce que c'est bien, parce que c'est un copain, parce que voilà. Donc en fait, moi, j'ai appelé Jason qui m'a fourni les musiciens, Jesse et le basse-batterie aussi de Morland, et on est parti enregistrer là-bas. Et alors, ce nom d'album, We Ride Free, ça avait une signification ? We Ride Free, c'était... Alors, pour répondre à la première partie de la question, c'est-à-dire que j'ai décidé... En étant aux États-Unis, ils m'ont dit « Mais pourquoi tu t'appelles Carrosse Cousine ?» Et ils leur ont trouvé ça assez débile. Ils dit « Mais comment tu t'appelles ?» Je dis « Ben, Dom Ferrer. » Et donc, ils m'ont dit « Mais c'est un super nom, ça, Dom Ferrer. Donc, pourquoi tu t'appelles pas Dom Ferrer ?» Donc, je suis rentré, je dis « Ben, je m'appelle Dom Ferrer. » Ce qui n'était pas une nouveauté du tout, mais voilà. Justement, deux mots sur ton t-shirt. C'est pas très radiophonique, mais tu peux nous parler de ce label Orton Records à Tulsa. C'est alors, également c'est... un label important. Alors, c'est surtout un label de communautaire, on va dire. D'accord. Et exceptionnellement aux États-Unis à but non lucratif. Donc, ce qui est c'est vraiment exceptionnel aux États-Unis. Exceptionnel. Et donc, c'est vraiment des passionnés, mais qui passent un temps dingue à bosser là-dessus et qui se débrouillent pour enregistrer les albums, pour organiser des concerts, des festivals et ainsi de suite, et uniquement pour aider la communauté des musiciens de chez Orton et de Tulsa particulièrement, quoi. Et on a eu la chance l'année dernière avec Damien, donc Damien Chopin, le guitariste. On est parti à Tulsa, on a eu la chance de jouer pour le Chili Cook-Off l'année dernière. C'était exactement 2-3 jours près maintenant, quoi. Ouais. Merci, Dom Ferrer, tu restes avec nous. On va avoir le plaisir de t'écouter sur la scène dans quelques minutes. C'est juste le temps pour nous d'écouter un artiste français qui a fait beaucoup parler de lui avec son précédent album, qui revient avec un nouveau, qui s'appelle Théo Lawrence. Oui, Théo Lawrence qui plaira certainement à Dom Ferrer, d'ailleurs, par son style, qui a une cote, c'est son du sud-ouest, une cote qui monte, hein, parce qu'il y a des interviews dans Rolling Stone, à la télé aussi, ils sont passés. Le style, on va dire, c'est de l'americana. C'est ça, avec un petit côté un peu plus crooner sur cet album. Sur cet album, ouais. Théo Lawrence. Mama cried. I'd be your lover, I'd be your number one. Loving you was easy. Nous sommes de retour ici au Millennium de l'île d'Abo pour le Blues Café Live. Ne changez rien, puisque maintenant sur scène, en live pour vous, il y a Dom Ferrer. Ouais. Are you ready? Yeah. Yeah, we're ready. You think I barely touch the end? You think I turn gray? You think it's my dusk, and now you think I should wait for the final blow. Should I put my hand against the window, or should I hide in a hollow? Should I blow my heart away and wait in a shadow? Your rules are not mine. Your plan don't fit me. You better get the fuck out to find a place you'd better be. I got one of pants, I got one of shoes. I ride my blues. I shout a lot of pain. I'm easy to hurt, so easy to make me cry. Your rules are not mine. Your plan don't fix me. You better get the fuck out. Funny place. Stop breaking my heart every day. You give me a hard time on the phone when I'm gone away. You gotta stop breaking my heart every day. gotta stop. Breaking my heart every day. Life is a roller coaster, ups and downs, ups and downs, love them all. You gotta stop. Breaking my heart every day. Well, you gotta stop. Breaking my heart every day. Give me a hard time every time you say that love is gone away. Stop breaking my heart every day. Dom Ferrer, qu'on va retrouver auprès de nous. Non sans remercier toute l'équipe évidemment du Millennium qui se met en 4, en 5, en 6, en 8 pour que tout fonctionne bien. Bon, alors on a parlé tout à l'heure d'un premier album, mais il y a un projet d'un second album, enfin en tout cas sous ton nom, ouais. Sans revenir à ceux de Carole's Cousin. Nouvel album prévu, si j'ai bien compris, en février-mars peut-être. Février, exactement. Donc ouais. C'est demain pratiquement. Mm-hmm. Hein. On peut connaître déjà le nom de cet album ? Alors oui, moi je voulais l'appeler Inappropriate Behavior. Oui. Mm-hmm. Mais la prod n'est pas tout à fait d'accord pour l'instant. C'est un peu, on est en discussion avec ça. D'accord. Donc c'est pas ce titre-là qu'il faut conserver pour l'instant. Je pense que ça risque de changer. C'est dommage parce qu'on s'était entraîné à le prononcer. Et oui, non seulement on s'était entraîné, mais on allait te demander que signifie ce comportement inapproprié. Ça veut dire ça. C'est-à-dire que le comportement inapproprié aujourd'hui, c'est très codifié, quoi. C'est-à-dire, je sais pas, c'est mettre la main aux fesses d'une fille. Pardon. mettre la main aux fesses d'une fille, c'est un comportement inapproprié. Enfin voilà, ce genre de truc, donc c'est très codifié. Par contre, moi, ce que j'entends par comportement inapproprié, c'est beaucoup plus large que ça. C'est par exemple un morceau comme on va vous jouer The Last House tout à l'heure. C'est l'histoire. Moi, c'est que des histoires qui sont personnelles, hein, que je raconte. Ce sont des compos, d'abord. J'ai été obligé d'emmener la femme qui m'a élevé en EHPAD, comme on dit, et tout ça. Et je me suis rendu compte que là, ça m'a vraiment... ça m'a tué, quoi. Ouais. Ça l'a tué elle aussi, d'ailleurs. Et je me suis dit, mais c'est ça le comportement inapproprié. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait avec nos vieux? Qu'est-ce qu'on fait... et ainsi de suite, quoi. Avec tellement d'autres trucs où... Voilà. Donc... Alors, on va revenir, si tu veux bien, quand même. C'est jamais très gay, ce dont je parle. Hein. Non, mais... Enfin, c'est assez réaliste, quoi. Cet album a été fait aux États-Unis? Non, on l'a enregistré en France. Et dans des conditions un peu roots, non? Complètement live. Ouais. Complètement live, exactement comme ici, sauf qu'il y a même des morceaux comme le dernier qu'on vient de jouer, qui a été enregistré avec un seul micro central. Ah oui. Le chant, la batterie, tout le monde d'un coup, avec un micro. Voilà. Donc c'est un album où il a fallu vraiment jouer, quoi. C'est un album que j'ai trouvé un petit peu plus rock, justement, que le précédent. Est-ce qu'on est toujours dans le Tulsa Sound ou on s'en écarte un peu? Non, on s'en écarte un peu. C'est sûr que ça tape plus dans le rock, quoi. Mmh. Parce que ça, c'était un peu la demande, c'est-à-dire que on est vite taxé de faire ou que de la folk, ou que du ci, ou que du là. Et moi, je veux pas être ni dans une boîte ni dans une autre. Je veux être dans. J'aime le rock, j'aime la folk, j'aime le blues, donc je mélange tout ça, puis j'en fais ce que je pense. Ils ont ces mêmes boîtes aux États-Unis, justement, toi qui connais les États-Unis, ou c'est justement beaucoup moins étiqueté? Justement, non. Ils s'en foutent réellement. La musique, c'est la musique. Voilà. Ouais. Ici, on a tendance à vraiment catégoriser tout et surtout à classer les gens et à les laisser là où ils sont, quoi. Et je trouve ça assez pénible. Tu vois, en tout cas, nous, dans le Blues Café, même en s'appelant Blues Café, on aime bien aussi régulièrement ouvrir les portes. Oui, il y a toujours un peu ce côté songwriter. Dans ce qu'on entend, avec les histoires de ta vie, tu viens de le dire. Est-ce qu'on peut dire que dans cet album, on retrouve quand même les influences de ce son de Tulsa? Ou ça a été un peu plus large? Parce que dans le premier titre, pas le second, je trouvais presque que ça faisait un peu pub rock. Oui, ça peut, sauf que c'est aussi. C'est un peu funk aussi, quoi. Si on regarde le riff de guitare, c'est un riff de guitare qui est presque funk. No Matter, c'est celui que tu as joué c'est le deuxième morceau. Et qu'est-ce qu'il raconte d'ailleurs ce titre? Parce que j'ai eu l'impression, le second morceau, c'est une compo, mais on le sent quand même lui aussi très rock. Je sais pas tant si que c'est ça. Rock. Non, moi je trouve pas qu'il soit si rock que ça. Au contraire, je trouve que c'est plus pop en fait que rock, à mon avis. Surtout le refrain de fin, il tourne comme... comme un peu un truc pop, une rengaine. Il y a une espèce de leitmotiv guitare qui dure et qui change pas vraiment. Donc pour moi, c'est plus ça la pop, quoi. Donc il y a un côté pop, mais pop 70s, je parle. Ouais. Est-ce que tu retournes régulièrement à Tulsa? Ah ouais. Ouais. C'est tu vas à la source, tu ramènes un peu des influences, des nouvelles ou... En fait, à Tulsa, surtout, c'est un peu je vais me ressourcer. C'est-à-dire que... Ouais. Pour moi, c'est des gens qui jouent quasiment 300 dates par an, voire plus. C'est-à-dire qu'ils jouent 6 jours sur 7. Et ils sont toujours dans une espèce de... C'est une seconde nature. Et nous, ici, on joue beaucoup moins qu'eux. Ouais. Et du fait, chaque fois qu'on joue, c'est même si nous, on a la chance de jouer quand même assez régulièrement, mais on est loin des 300 dates par an. Et du fait, on n'a pas cette espèce de décontraction, de relâchement, même... de toute façon, demain ça recommence et donc c'est des vrais artisans, quoi. C'est des gars qui vont au boulot tous les jours et qui jouent de façon tellement décontractée, tellement cool que moi je vais chercher ça. T'as pas envie d'habiter là-bas? Si, j'ai envie. Non, j'ai pas envie d'y habiter parce que moi je habite en Normandie, j'adore la Normandie. On y vit super bien, on bouffe comme des rois. Et enregistrer ton disque là-bas avec des musiciens du cru, ça te tentait pas non plus? Oui, mais le précédent a été enregistré là-bas. Okay. Donc, et celui-ci, alors toujours pour des histoires de prod, et parce que bon, il y a eu un peu de subventions et ainsi de suite, c'était obligatoirement à enregistrer en France, donc on a enregistré dans des conditions particulière parce que je voulais un peu retrouver ce côté roots et spontané, quoi. Oui, il nous reste en fait, il nous reste trois titres à servir sur notre scène, ouais. Deux et puis un petit bonus. Quels sont ceux que tu as choisis ? Est-ce qu'ils ont une spécificité, notamment dans les textes ? Parce que c'est important pour toi. Pour moi, les textes sont toujours très importants. Ouais. Justement, le premier morceau qu'on avait décidé de jouer là tout de suite après s'appelle The Last House. Donc, c'est la dernière demeure, quoi. Et le suivant s'appelait No Reason. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne se parlent plus ou pour des raisons qui leur sont au départ propres. Sauf que des fois, on oublie pourquoi on ne parle pas à telle personne de sa famille ou à tel voisin pour des histoires à la con, et ainsi de suite. Et je me disais des fois, moi le premier, hein, je me suis fâché avec des gens, et aujourd'hui, ça me semble tellement absurde. Et puis, des fois, on n'est pas capable de retourner voir ces gens, alors que... ou ces gens qui peuvent être des proches. Bon, en tout cas, nous, on ne va pas se fâcher avec toi. On pourrait continuer à parler aussi avec toi. Mais l'heure tourne, dit-on. Mais vous me donnez presque envie de faire un autre morceau que ce que j'avais prévu. Tu fais bien ce que tu veux. Tu vas avoir à peu près 2 minutes pour y réfléchir. C'est le temps du titre que d'accord. l'on va écouter. Oh, bah super. Candy Kane, I've Got to Ride. Juste après, Ride, il lancera aussi question avec Dom Ferrer sur la scène du Blues Café. Nous sommes de retour sur la scène du Millennium en direct pour le Blues Café Live. Sur la scène du Blues Café, Dom Ferrer. Merci. Something late. There's something bright. The pounding heart inside my heart. Something slow, something I know. Make me feel like letting go. Make me feel like letting go. Thank you. Monsieur Damien Chopard. Shut the door. It was the last time. I could have been open, no light. Doesn't make any difference now. I could have stayed more. They say I'm not able. Give me a curious sign. Who's gonna touch me? Would I give my tenderness to? I could've stayed more. I'm saying I'm not able. I'll soon won't remember. Smell I'll never forget, but forever I'll regret. There is places that I'll never see again. It's the winter of my life. It's December. Shut the door. It was the last time. I could have been open or locked. Doesn't make any difference now. I could have stayed more. They say I'm not able. Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission Concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. C'était ce soir le Blues Café Live de Dom Ferrer. Il y avait Guillaume France à la basse, Nils Eke à la batterie et Damien Chopard à la guitare. On remercie l'équipe technique du Millennium. On remercie également François Rosenciel qui était à la captation vidéo, ainsi que la ville de l'île d'Abo de nous accueillir ici. On vous donne rendez-vous même jour, même heure quasiment, le mois prochain. On laisse la scène à Dom Ferrer. Ciao, bye bye. This night with no moonlight, I could hear the boat bumping one another. They wanna ride free, but like a shell on the stone. But now I should go back home. Now that you're gone, now that you're gone. No place to go, no place to hide. Such a long road without you by my side. I wish I could go back to Telequa and spend the night on the veranda with you in our hacienda. Now that you're gone, now that you're gone, I would have liked to stay with you.